Selon les médias sud-coréens, au cours du procès de Park Geun-hye a été révélée de nouveau la déprédation d'une grande somme d'argent par l'accusé en association avec Choi Soon-sil. En 2015, la traîtresse Park Geun-hye et Choi Soon-sil ont fait financer un pays étranger par le gouvernement sud-coréen et détourné une grande somme par la falsification de documents. Il a été dévoilé aussi le fait que Choi Soon-sil, protégé par Park Geun-hye, avait contrôlé la circulation à l'étranger des fonds relatifs à la Corée du Sud.